Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien en ce deuxième jour d'automne? C'est vrai que là, il fait froid, il y a de la pluie, etc. Donc, un temps idéal pour rester chez soi et écouter de la musique et de la bonne, comme vous allez en avoir pendant 2 heures. 2 heures de métal qui vont vous décrasser les oreilles, comme chaque semaine, vous le savez bien. Donc, ce soir, comme toutes les semaines, j'aurai des nouveautés à vous proposer. Et puis, des petites choses un petit peu spéciales, comme toujours. Vous connaissez l'émission, j'imagine. Et bah tiens, aussi, je vais en profiter aussi pour souhaiter un bon anniversaire à ma maman. Et oui, 24 septembre, c'est son anniversaire. Donc, maman, si tu m'écoutes, bon anniversaire. Et on va commencer donc tout de suite avec la première nouveauté de la semaine. C'est le nouveau live de Slash. Et oui, encore un de plus. C'est vrai que le guitariste de Guns N' Roses est quand même très productif en matière studio et live. Parce qu'il a sorti 4 albums studio en 10 ans. Et c'est déjà le 3e live. On peut dire quasiment qu'après chaque album, il y a un live qui correspond. Et comme à chaque fois, la setlist est différente, donc bon, évidemment, il y a des doublons, mais on a toujours quand même suffisamment de nouveautés pour s'y faire. Celui-ci s'appelle Living the Dream Tour, il a été enregistré en février dernier à Londres, à l'Hammersmith Odeon, maintenant il faut dire Leventime Apollo, enfin ce lieu a changé tellement de fois de nom qu'on ne sait même plus, enfin bref, c'est ce qui équivaut à l'ancienne salle Hammersmith, qui est un joli théâtre genre Olympia un petit peu plus grand. Et ben, c'est un pack CD-DVD. Alors le DVD, j'ai pas encore eu le temps de le regarder, il faut dire que c'est tout chaud puisque c'est sorti vendredi. Et ben, on va se faire un petit extrait justement du Living the Dream. D'ailleurs cet album s'appelle tout simplement Living the Dream Tour, c'est The Call of the Wild. Technology, an abomination. It's a new disease. Bon, je suis désolé, hein, je sais pas ce que la platine nous fait là, mais je vais essayer de vous le reprogrammer, le morceau, parce que... bah ouais, ce sont les inconvénients du direct, hein, je vous relance à nouveau Call of the Wild, en espérant que ce coup-ci, ça se passe bien. Voilà. Bon, il veut pas repartir, hein, comme je vous le disais, donc c'est les inconvénients du direct... Bon, je sais pas ce qui se passe, mais ça ne veut pas partir. On va essayer sur une autre hein, platine. Et oui, donc là, vous pouvez voir un grand moment de solitude de votre animateur préféré, parce que... Là, je crois que c'est bon. to pull your halo down. We may never live forever, so you better live for now. Don't deny it. What you need in the clouds? Here it comes, snap the daddy off your halo. Pull down your halo. Pull down your halo. Here it comes, snap the daddy. Ouf, on a pu vous les passer jusqu'au bout sans problème. Bah, j'espère que ce sera les seules ennuis techniques que nous aurons ce soir. Maintenant, croisons les doigts. Slash avec Hello, un extrait de Apocalyptic Love, de son deuxième album studio. Et juste avant, The Call of the Wild, qui lui est extrait de Living the Dream, qui est le dernier album studio qui est sorti en 2019. Et ces deux extraits sont extraits du CD-DVD live Living the Dream Tour, sorti vendredi, enregistré à Londres en février 2019. Slash toujours accompagné de Miles Kennedy, hein, ça s'entend, c'est clair. Miles Kennedy qui, bah, depuis plus d'un an, fait toujours l'actualité entre son album solo, Alter Bridge, l'album de Slash, la tournée qui a suivi, le live qui vient de sortir et le prochain album de Alter Bridge qui devrait sortir début octobre, donc à suivre. Après l'Angleterre, eh ben on va faire un petit tour en France, on va retrouver les Parisiens de Club Bombardier et leur deuxième EP Last Word First Move, avec un petit extrait de ce groupe de rock alternatif. On va se faire le morceau Call It A Day. See you clearly. Yeah. Loud Anonymity, extrait de leur album éponyme, tout simplement, vu que c'est le premier. C'était One More Time, groupe qui nous vient donc de Toulouse. Juste avant, cette de Toulouse à Paris, on ne fait qu'un pas avec Club Bombardier et leur premier, deuxième EP, Last Word, First Move. Et là, c'était le morceau Call It A Day. Maintenant, changeons de registre, on va se passer quelque chose de beaucoup plus glauque et malsain. Sur ça, on va revenir au dernier Slipknot, qui n'est pas qu'une débauche d'ultra-violence, comme les deux premiers albums pouvaient l'être. Non, il y a beaucoup de choses différentes, comme par exemple sur ce We Are Not Your Kind, il y a ce morceau My Pain, qui n'est pas d'une violence extrême, mais par contre, qu'est-ce que c'est glauque et malsain, et c'est tout à fait dans l'esprit schizophrène des tarés de Des Moines. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission métal du mardi soir qui frappe et qui grille les neurones. Là, on s'en est pas grillé, mais par contre, on a bien flippé hein, quand même. Hein. Avec My Pain, un extrait du dernier album de Slipknot, We Are Not Your Kind. Et bien maintenant, on va se faire une deuxième nouveauté de la soirée avec une petite exclue d'Electric Shock, avec un groupe de pur métal qui nous vient de Hongrie, qui s'appelle Omen, ouais, comme le groupe américain de trash culte. Alors, tout ce que je peux vous dire d'Omen, eh bien, c'est tout simplement, c'est qu'ils existent depuis 1990, que cet album-là que j'ai dans les mains, c'est leur 11e et il est sorti cet été. Alors, l'album s'appelle, alors, je m'excuse pour la prononciation, c'est Alalfogigitiglan. Voilà, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Et le morceau que je vous ai choisi ce soir s'appelle Zelempont. D'ailleurs, si quelqu'un parmi vous connaît le hongrois et peut me donner plus d'un petit peu d'informations sur, un peu plus d'informations sur ce groupe ou ce que veut dire le nom du morceau ou le titre de l'album, eh bien, il ou elle, vous êtes les bienvenus à appeler au 02 38 43 48 00. En attendant, on découvre, exclu que d'Electric Shock ce soir, Omen. Hogy hidd bennem, építs C'était Akela, un groupe hongrois, avec l'album Afelem Zuletese, un album à moitié live, à moitié studio, qui était sorti en 1994. Et ça, je vais ramener ça lors d'un voyage, il y a ça, très très longtemps. Et Akela, c'est un des fers de lance de la scène métal hongroise, voilà. Ainsi que Omen, qu'on a eu juste avant, donc... Voilà, qui est donc la deuxième nouveauté de la soirée. C'était un extrait de l'album Halal Foji Tiglan et c'était le morceau Zelem Pont. Bon, personne n'a appelé, j'en déduis que personne ne parle hongrois parmi vous. C'est vrai que c'est pas très courant. Après la Hongrie, maintenant, on va refaire un petit tour bien chez nous en France et on va revenir sur ce qui était une des nouveautés la semaine dernière, c'est-à-dire les tarés de Magoyond avec leur album Crypt Show. Et tout d'abord, eh bien, Chimera. de mon camion peine. J'enfile des kilomètres seul sur la route. Rock'n'roll, tant qu'on a de l'essence on roule. Et si on n'en a plus, on pousse. Au saloon de la dernière chance, j'me barricade dans un coin reculé. Rock'n'roll, tant qu'on a des balles en vie. Et si on n'en a plus, on court. Et y'a toujours un mec pour venir te faire chier. Seul ou en bande, ils viennent pour se restaurer. Je cherche un endroit pour me reposer. Passer des vacances sans être contrarié. Finis les nuits de dure lutte dans les plaines. Les campements de fortune dans la forêt. Je voudrais être cycle shooter. Échoppe d'un village, je pille des conserves pas entamées. Rock'n'roll, tant qu'on a de la bouffe on mange. Et si on n'en a plus, on maigrit. Au dernier étage d'un canyon, je m'apprête à m'éclater dans le vide. Rock'n'roll, tant qu'on peut vivre on vit. Et si on n'en peut plus, mais putain. Et y'a toujours un mec pour venir te faire chier. Seul ou en bande, ils viennent pour se restaurer. Je cherche un endroit pour me reposer. Passer des vacances sans être contrarié. Finis les nuits de dure lutte dans les plaines. Les campements de fortune dans la forêt. Je voudrais être si pieds sous cœur. De la Seine, Miss Vegas contemple son paradis. L'entrée du vice porte son emblème. Une fois entré, vous ne pouvez lui échapper. J'aspire la raison d'être, je les maintiens en vue. Ce qui me délecte, c'est de les voir errer toute l'année. Il existe une ville perdue dans le désert, cachée sur terre, une ville remplie d'âmes déchues, ce n'est pas elle. Attends, mon Vegas, Vegas zombie, Vegas, Vegas zombie. Là où la mort rime avec envie, là où tu payes pour fuir toute la nuit, là où tes fantasmes prennent vie et où tu finiras. Ville de gloire, ville de blasphème, la populace afflue pour y perdre la vie, se prosterner devant la reine, s'anéantir gaiement et y mettre le prix. Tiens un peu par là, je n'aime pas que l'argent. Ce qui m'intéresse en toi, c'est le goût de ton sang. Il existe une ville perdue dans le désert, cachée sur terre, une ville remplie d'âmes déchues, obsédées par elle. Acclame Vegas, Vegas zombie, Vegas, Vegas zombie. Là où la mort rime avec envie, là où tu payes pour fuir toute la nuit, là où tes fantasmes prennent vie et où tu finiras. Vous l'avez choisi, je vous accueille dans mon nid. La seule qui suit ici et de jouer avec moi et de faire un scène. Fantasmes près de vie et où tu finiras en zombie. Vegas Zombie, extrait de Crip Show ainsi que Six Pieds Sous Terre et la petite intro Chimera, et ça c'était donc les Fous Furieux de Magoyand. Allons faire un petit tour du côté de la Verterine avec le Black Star Riders, le groupe, on peut dire, c'est le Thin Lizzy New Look, qui a déjà sorti son quatrième album, Another State of Grace, que je vous ai présenté la semaine dernière. Et toujours dans la même lignée, eh ben, Standing in the Line of Fire pour vous ce soir. I've got a lot on my mind today, and we 20h Touron sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, c'est bien Electric Shock comme tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Encore une heure de bonne musique, croyez-moi, ça va le faire. À l'instant, c'était donc Dead Lord, groupe suédois sonnant plus Tinnitzy que Tinnitzy lui-même, on peut le dire, avec When History Repeats Itself, extrait de leur deuxième album Heads Held High, sorti en 2015. Dans le même esprit, c'est Black Star Riders, bien sûr, avec un extrait de Another State of Grace, tout chaud, tout bouillant, qui est sorti début septembre. Et là, on a eu au morceau Standing in the Line of Fire. La suite, c'est une nouveauté, la troisième de la soirée. Au fait, je me suis trompé, je vous ai annoncé quatre nouveautés, vous en aurez cinq ce soir, donc restez bien jusqu'au bout de l'émission, il y a encore des surprises. C'est une grosse sortie, c'est un album, c'est un gros groupe qu'on attendait évidemment. Son album, c'est le 13e, il s'agit du nouvel album de Korn, 13e album, sorti le vendredi 13 septembre, avec 13 titres. Donc déjà tout un programme, ça vous met déjà dans l'ambiance. Korn qui a sorti un album donc, qui s'appelle The Nothing, le néant. Et en fait, on peut parler presque de concept album. Bon, Korn n'a jamais été un groupe qui a respiré la joie de vivre. Hein, quand on appelle à un de ses albums The Serenity of Suffering, déjà, on voit de quoi on peut parler. Mais là, c'est vraiment, ça porte bien son nom, puisqu'en fait, c'est presque un album solo de Jonathan Davis, épaulé par les membres de Korn, puisque... En fait, Jonathan Davis, le chanteur, essaie de faire son deuil de son ex-femme, qui est décédée à l'âge de 39 ans des suites d'une overdose et de problèmes médicaux. Enfin bref, voilà. Et il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. D'ailleurs, il le dit lui-même, si vous avez vu des interviews, qu'il est toujours un peu dans le coltard. Et la thérapie qu'il a trouvée, c'est de parler de tout ça, de la perte donc de l'être cher, à travers son album, à travers l'écriture. Alors... Il y en a qui vont peut-être dire, on peut débattre là-dessus, c'est impudique, c'est le genre de chose doit rester pour soi. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de remède. Hein. Chacun, quand il a un problème comme ça, le gère à sa façon. Lui, c'est la façon qu'il a préféré le mettre sur la table au vu de tout le monde. Bon. Par contre, ça nous donne du Korn classique, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Fini les expérimentations un peu électro du début des années 2010. Le groupe est revenu vraiment à ses fondamentaux, c'est un son massif, des cris hallucinés. Jonathan Davis nous montre qu'il est toujours un très très grand chanteur et je pense que cet album-là, il a vraiment une consonance quand même très particulière pour le groupe et moi je sais que je l'ai beaucoup apprécié. Bon, ça fait une semaine que je l'ai reçu, donc je peux vous dire que je suis encore en phase de découverte, mais je peux vous dire que c'est un très très grand cru en ce qui concerne Korn à mon avis. On va s'envoyer le morceau de qui est le single Cold avec la petite intro The End Begins qui commence à cornemuse, c'est un petit clin d'œil aussi au premier album de Korn. Now they are free, and they are coming back to me. taking this motherfucker down, down, down, down, down. I don't know what I am thinking. Sometimes I feel like I am sinking into the ground. I'll call my grave. Cold is our lying deep, the father of hate, the endless nightmare I can never escape. La petite intro, The End Begins, extrait de The Nothing, le dernier album de Korn. Avouez que on y reconnaît tous les éléments qui ont fait donc le son et l'âme du groupe. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est vrai que Korn, c'est quand même très spécial, mais il faut reconnaître que c'est un très très bon album pour ceux qui apprécient. Mais on va faire un petit live de Soundgarden, tiens, pour changer un petit peu. On va revenir donc sur le live posthume, Live from the Artist Den, qui est sorti cet été, mais qui a été enregistré donc en 2013. Live from the Artist Den, et on va se faire un classique du groupe, c'est Spoonman, qui à l'origine était sur Super Unknown. Speak the rhythm of my Steps et Spoonman, deux extraits de Live from the Artist Den, enregistré en 2013 mais sorti cet été, live posthume de Soundgarden. Voilà. Quatrième nouveauté maintenant de la soirée avec un groupe français qui nous vient de Niort, qui s'appelle Helix. Alors Helix, c'est un groupe qui existe depuis 2003 quand même, ça fait un bon petit moment, mais c'est juste leur deuxième EP, puisqu'ils en avaient sorti un en 2017 qui s'appelait Impact et Fracas, et celui de ce soir qui est sorti là au printemps dernier s'appelle tout simplement Annihilation partie 1, ce qui veut certainement laisser présager qu'il y aura une deuxième partie. Alors que dire de Helix, qui s'écrit E-L-Y-X, hein, d'abord, parce que des Helix, si vous tapez sur internet, vous allez en trouver je ne sais combien avec toutes les écritures possibles et imaginables. Musicalement, c'est un néo-métal teinté d'électro, avec, ça fait penser beaucoup à ce qui se faisait dans les années 90, des groupes genre Playmo, ce genre de choses, avec chant en français. C'est pas mauvais, mais enfin, je trouve que ça assez mal vieilli. Enfin bon, ça ce n'est que mon point de vue. Donc je vous invite à découvrir avec le morceau Spectacle de Pantin et la petite intro qui s'appelle Notre Éveil d'abord. Je ne changerai jamais rien. Ils ne sont pas à bout de souffle, comme pourrait le laisser présager le nom de ce EP, sinon les Hannibal Death Machine. Ils nous ont présenté la Fer Rouge. Juste avant Hannibal Death Machine, c'était donc une des nouveautés de la semaine, le groupe Helix avec le EP Annihilation Partie 1. Vous avez eu au spectacle de Pantin et la petite intro, notre éveil. On va bientôt attaquer la dernière demi-heure d'Electric Shock et pour ça on va revenir à quelque chose de beaucoup plus métal avec un groupe que j'adore, qui fait partie de mon ADN, c'est Saxon. Saxon qui cet été nous a sorti un triple live de 40 morceaux pour célébrer leurs 40 ans de carrière, enregistrés un peu partout à travers le monde et à travers les années entre 2007 et 2018. Et Saxon qui devait en tourner à partir là prochainement, tout d'abord en Angleterre et en Allemagne, mais là j'ai appris très récemment que la tournée était annulée car Biff Bifford, pour raison de santé, doit se faire opérer du cœur la semaine prochaine, comme quoi apparemment ça devait être quand même assez sérieux, et donc les dates apparemment sont reportées maintenant pas avant le mois de mars, donc pour une venue en France, à mon avis, il va falloir attendre certainement l'automne 2020, donc à suivre. En attendant, on va faire un petit tour dans le temps, on va revenir à l'album Call to Arms qui était sorti en 2011 avec une petite version live sympa enregistrée à Berlin de Hammer of the Gods. Back in 79, ben, morceau qui est vraiment d'actualité, puisque oui, ça parle de leur début, et que ce extrait donc de The Eagle Has Landed 40 Live, justement, ce qui vient de sortir cet été, pour les 40 ans de carrière de cette légende du, rock, du hard rock saxon. Et avant, c'était Hammer of the Gods, extrait donc de ce triple live sorti début août. Et bien la suite, c'est pareil, ça c'est un géant du rock qu'on va se passer. On va revenir au live de Deep Purple, Live in Newcastle 2001, qui était sorti cet été. Et on va se mettre le morceau le plus célèbre de l'histoire du rock, hein, voire même quiconque n'a essayé de jouer avec une guitare, a essayé de jouer ce riff au moins une fois dans sa vie. Vous allez me dire, bon, pourquoi il nous met ça, ce morceau-là, on le connaît par cœur, pourquoi ce morceau-là, on aurait pu choisir autre chose. C'est vrai, je reconnais, mais en fait, je vous ai mis ce morceau pour plusieurs raisons. Déjà parce que la version proposée là est très très bonne, elle est enjouée et vraiment très très bien. Et surtout parce que j'ai envie de vous faire un petit peu jouer ce soir. Alors ça va être très simple, avant que Steve Morse, le guitariste, n'entame ce riff de légende, il s'amuse avec sa guitare à nous jouer quelques riffs de morceaux très connu, même des classiques de l'histoire du rock. Alors, ce que je vous demande, c'est d'écouter bien comme il faut l'intro. Et si vous reconnaissez au moins un des riffs qui a été joué pendant ce moment-là, eh bien, vous appelez au 02 38 43 48 00, voilà. Et il y aura des petits cadeaux. Alors, t'es pas belle la vie ? Alors, branchez-vous bien. Pour l'instant, écoutez bien ce qui va suivre. Et dès que le riff a commencé, vous pourrez appeler si vous avez reconnu quelque chose. Allez, maintenant, à vous de jouer. We'll be right back. much time now. Drink Zappa in the morning. We had the best place around. With some stupid wheel of flare, burn the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Funky Clark was running here now. He was pulling kids out the ground now. When it all was over, he had to find another place. Swiss time was running out. It seemed that we would lose embrace. Smoke on the water. Fire in the sky. Smoke on the water. Yeah. Oh, what you burning down? Fire burning down, yeah. Whoa! Okay, let's get some dynamics going. Let's get it really quiet, and then we can build it up again and really get somewhere and lift the roof off. Okay, we go like, fire in the sky. It's too loud. Perfect. Oh yeah, that's good. Oh. This side is louder than this side. Yeah. All right, let's come on now. I can feel it. I can feel it. Oh, yeah. Oh, let me hear now. Come on, baby. Two more times. Come on, two more times. I still can't hear you. Come on, louder. Wow! Bah alors, personne n'a deviné. Non, je peux pas croire ça. Vous êtes des auditeurs d'Electric Shock et de Radio Arc-en-Ciel, ça n'est pas possible. Vous avez reconnu. Vous avez été trop timide pour appeler. Voilà, c'est tout. Parce que bon, si vous avez pas reconnu, je sais pas, Led Zepp, Jimi Hendrix, AC/DC, Rolling Stones et bien d'autres. Non, je peux rien pour vous. Non, je peux pas croire ça. Je peux juste croire que bon, vous êtes dit oh non, le standard va être saturé, donc c'est pas la peine que j'essaye. Voilà. Bon, c'était le classique de Deep Purple, Smoke on the Water, extrait donc du Live in Newcastle 2001, donc sorti cet été à l'instant. Et bon, on va se faire la cinquième et dernière nouveauté de l'année avec une surprise, parce que moi je m'attendais pas du tout à ce que cette personne existe encore. C'est un live de Lee Aaron. Ouais, ça vous rappelle peut-être quelque chose pour les plus vieux d'entre vous, parmi les vieux métalleux comme moi. Bah, Lee Aaron, elle a hanté nos nuits parce qu'on a tous eu le poster, je crois, dans notre chambre hein, quand on était ados. Et bah, Lee Aaron, pour ma part, je croyais qu'elle avait disparu corps et âme, enfin... musicalement, pour s'entendre, au milieu des années 90, et en fin de compte, non, elle a toujours continué, même si elle a continué apparemment, après ce que j'ai vu, d'un registre beaucoup plus soft, beaucoup plus blues, beaucoup plus soul. Et là, elle est revenue à quelque chose de beaucoup plus rock, et elle vient de nous sortir donc un album live sur un label allemand. Je dois avouer que j'ai appris ça vraiment par hasard, parce qu'en fait, j'ai tout simplement reçu un mail du label, m'informant donc de la sortie de... de cet album, un CD-DVD, donc je me suis mangé le culot, j'ai dit au gars du label, est-ce que ce serait possible de me l'envoyer ? Du coup, j'ai reçu ça il y a une quinzaine de jours, et j'étais agréablement surpris par ce live, parce que il y a de très très bonnes choses, et la belle canadienne nous montre qu'elle a toujours de beaux restes. Le seul défaut que je trouverai à ce live, c'est qu'avec une carrière comme ça, faire juste un live qui dure à peine une heure, c'est un peu juste, enfin bon voilà. Ça a été enregistré à Nuremberg en 2017 dans un petit club. C'est guère plus grand que le Blue Devils. Et il y a des extraits aussi enregistrés, par contre, dans de plus grandes configurations, au Bang Your Head, en plein air. Bon, la belle nous délivre donc ses classiques, hein, Metal Queen, évidemment, quelques reprises bien senties. Il faut avouer que commencer tout de suite son show par Miss Tweeted, c'est vrai qu'en voyant cette liste, au départ, Miss Tweeted, j'y tiens. Elle a appelé un de ses morceaux comme le classique de Deep Purple. Non, non, c'est bien le morceau de Deep Purple par lequel elle attaque, et croyez-moi, sa version... bon, vraiment, son pesant de cacahuète, elle n'est pas ridicule, loin de là. C'est pas du tout ce qu'on va se mettre ce soir. On va se mettre un extrait de son dernier album studio. C'est Diamond Baby. Donc, je vous ai pas dit le titre de cet album qui est sorti vendredi. Power, Soul, Rock and Roll, Live in Germany. Donc, tout un programme. Tout d'abord, Diamond Baby. This is brand new. It's called Diamond Baby. Well, it's been too long, and I've been standing strong. Comes a day when the line that you draw is the line you break. Now the tide has turned, good lesson learned. And I ain't going down in this town with my last mistake. Oh, you got it. Sympa, hein, c'était Hot to be Rocked et Diamond Baby, donc deux extraits du premier CD DVD live de Lee Aaron intitulé Power Soul Rock and Roll Live in Germany. Continuons, bah tiens, allons faire un petit tour en Norvège, aller retrouver les petits protégés de Lars Ulrich, c'est-à-dire Bokassa. Bokassa qui ont eu la chance de faire la tournée de Metallica en Europe, dans tous les stades. Et on va revenir à leur album Crimson Rider, sorti au mois de juin. Et tout d'abord, un petit instrumental qui s'appelle Prologue. We'll be right back. court, hein. C'était Volbeat avec Parasite, extrait de Rewind, Replay, Rebound. Voilà, donc c'était donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Hein. Eh bien, merci d'avoir été à l'écoute. Moi, j'ai passé un super moment, comme toutes les semaines d'ailleurs. Je vous dis à la semaine prochaine, normalement, il n'y a pas de raison, avec encore d'autres nouveautés, bien sûr. Et d'ici là, restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel et écoutez plein de métal. Salut, à la semaine prochaine!